Chapitre 3e. Il se résigna, et sa nature supérieure lui en donna les moyens. Il alla vivre seul et isolé dans un village d'Allemagne, loin du séjour des hommes qui lui étaient à charge. Un château en ruine, situé sur une haute colline, lui parut un séjour conforme à sa pensée, et de le soir il l'habita. Il vivait donc ainsi seul, sans suite, sans équipage, presque sans valet, et renfermé en lui-même, bornant sa société à lui-même. Son nom n'en acquérait ainsi chaque jour qu'une existence de plus en plus problématique. Les gens qui le servaient ignoraient le son de sa voix. Ils ne connaissaient de son regard qu'un œil terne et à demi fermé, qui se tournait froidement sur eux en les faisant frémir. Du reste, ils étaient entièrement libres, c'est-à-dire que leur maître ne leur faisait aucun reproche, à peine s'il leur donnait des ordres. Le château qu'habitait le comte avait pris à la longue quelque chose de la tristesse de ses hôtes. Les murailles noircies, les pierres sans ciment, les ronces qui l'entouraient, cet aspect silencieux qui planait sur ses tours, tout cela avait quelque chose de féerique et d'étrange. C'était pire au-dedans. De longues corridors obscurs, des portes qui claquaient la nuit violemment et qui tremblaient dans leur châssis, des fenêtres hautes et étroites, des lambris enfumés, et puis de place en place, dans les galeries, quelques ornements antiques, l'armure d'un ancien baron, le portrait en pied d'une princesse, un bois de serre, un couteau de chasse, un poignard rouillé, et souvent, dans quelques recoins sans lumière, des décombres, des plâtras qui tombaient du plafond du vieux salon lorsque le vent, par quelques soirées d'hiver, s'entonnait dans les longues galeries avec plus de fureur que de coutume, avec des mugissements plus prolongés. Le concierge, c'était un vieillard aussi décrépit que le château, faisait sa tournée tous les jours dans l'après-midi. Il commençait par le grand escalier de pierre dont la rampe était ôtée depuis que le dernier possesseur l'avait vendu pour un arpent de terre. Il le montait lentement, et arrivé dans la galerie principale, il ouvrait toutes les chambres, toutes portant leurs anciens numéros, toutes vides et délabrées, après avoir eu pourtant leur destination et leur emploi. Là, c'était le vieux salon, immense appartement carré dont on distinguait encore quelques lambeaux du velours cramoisi, qui dans le dernier siècle en avait fait le somptueux ornement, la fraîche beauté. D'abord ce fut la salle du plaid, puis la chapelle, puis le salon. Alors il était encombré par une centaine de bottes de foin, déposées en cet endroit depuis 20 ans environ, et qui se pourrissaient à la pluie qui pénétrait facilement par les carreaux, chassée par le vent du soir. Le reste du salon était occupé par des vieux fauteuils, des harnais usés, quelques selles mangées par les vers, et une grande quantité de fagots et de bois sec. Le concierge ne l'ouvrait jamais, si ce n'est pour y pousser quelque chose de vieux et de cassé, qu'il jetait négligemment et qui allait tomber sur un vieux tableau, sur une statue de jardin ou sur les fauteuils dépaillés. Il reprenait sa course lente et paisible au milieu du corridor et faisait retentir du bruit de ses souliers ferrés les larges dalles de pierre qui en gardaient l'empreinte. Puis il revenait sur ses pas, regardant les nids d'hirondelles s'établissant de jour en jour dans le château comme dans leur domaine, et qui volaient et repassaient par les fenêtres du corridor dont toutes les vitres étaient étendues par terre, cassées et pêle-mêle, avec leurs encadrements à lame de plomb. De grands peupliers bordaient le château. Ils se courbaient souvent au souffle de l'océan, dont le bruit des vagues se mêlait à celui de leurs feuilles, et dont les râpes et dures avaient brûlé l'écorce. Une percée pratiquée dans le feuillage laissait voir, des plus hautes fenêtres, la mer qui s'étendait immense et terrible devant ce château sinistre qui n'en semblait qu'un lugubre apanage. Là, c'était le pont-levis. Maintenant, on y passe sur une terrasse. Ici, les créneaux, mais ils tremblent sous la main, et au moindre choc, les pierres tombent. Plus haut, le donjon. Jamais le concierge n'y alla, car il l'avait abandonné, ainsi que les étages supérieurs, aux chauves-souris et aux hiboux qui voltigeaient le soir sur les toits, avec leurs cris lugubres et leurs longs battements d'ailes. Les murs du château étaient lézardés et couverts de mousse. Il y avait à leur contact quelque chose d'humide et de gras, qui pressait sur la poitrine et qui faisait frissonner. On eût dit la trace gluante d'un reptile. C'était là qu'il vivait. Il aimait les longues voûtes prolongées, où l'on n'entendait que les oiseaux de nuit et le vent de la mer. Il aimait ces débris soutenus par le lierre, ces sombres corridors et toute cette apparence de mort et de ruine. Lui qui était tombé de si haut pour descendre si bas, il aimait quelque chose de tombé aussi. Lui qui était désillusionné, il voulait des ruines. Il avait trouvé le néant dans l'éternité, Il voulait la destruction dans le temps. Il était seul au milieu des hommes. Il voulut s'en écarter tout à fait et vivre au moins de cette vie qui pouvait ressembler à ce qu'il rêvait, à ce qu'il aurait dû être.